demander des informations relatives au temps et fournir des informations relatives au temps. Going from left to right, from the question to the answer. On est quelle date? On est le 28 janvier. Quand est-ce que la réunion a lieu? Elle a lieu cet après-midi à 3 heures. À quelle heure arrive-t-elle? Elle arrive à 11 heures. En quelle année est-il né? Il est né en 1976.